M'dame, j'ai le droit moi aussi au piano. Au piano? Mais oui. Bien sûr, André Manoukian. Une sérénade pour Laetitia Gaillet. C'est vrai. Ouais. Et pour nos auditeurs. C'est tout? Dites que c'est beau. C'est beau. Voilà. Ah, voilà. Ça, c'était le fils de 8 ans d'André Manoukian. Ça vous fait quoi, Laetitia Gaillet, pour finir la journée? Parce que je me disais que c'était le fils d'André Manoukian qui avait joué, parce qu'avant, j'ai trouvé... Ça lui fera plaisir. On va la lettre à Élise, allez-y. On le salue. Même pas. Et voilà qui achève votre journée de Flash Info sur cette antenne, Laetitia Gaillet. On vous retrouve demain avec plaisir. Le prochain point sur l'actualité à 18h. Et en attendant, voici ce qui s'est passé ce matin en préparant cette émission. Salut Charline. Hier c'était moyen. Moi je voudrais qu'aujourd'hui vous soyez au top. Hein. Nous? Mais non, pas vous les filles. Ah bah nous alors. Ah bah si c'est pas les filles, c'est vous. Hein. Ah les filles c'est bien. Nous, oui, bah c'est ça. Bah, je dois gérer une équipe. Opposer les gens, je suis pas sûr que c'est la bonne solution. Ah, il y a tout un sujet sur la façon dont Hollande gère son entourage. Ah ouais, voilà. Je l'ai vu, c'est dans l'Express. Bah voilà, bah très bien les filles. Bah ça sera le premier sujet. Très bien les filles, je l'ai lu. Quoi, vous n'êtes pas contents? Si, figure-toi qu'on était très contents. Oui, c'est vrai, très contents on était. Ce matin, pourquoi? Eh ben parce que moi j'aime beaucoup Amanda. Et moi aussi, pareil. Bah tiens, on s'intéresse à l'invité. Pourquoi j'aime Amanda Sterz? Parce qu'elle dégage quelque chose de très doux. De très doux. Oui, de très doux. Et nous, on aime les femmes qui sont douces. Mais toutes les femmes sont douces, enfin. Mais t'es certaine de ça? Mais certaine. Mais ça nous avait un peu échappé. Oui, un petit peu. Bon, je propose qu'on se détende. Ouais, on trouve des sujets. Ouais. Bah, très bien. On se détend et on trouve des sujets. Oui, voilà. Non, mais les filles ont raison. Oui, il y a une tension quand même. Charline, détends-toi. Oui, oui, voilà. Oui, alors, bon, c'est vrai. Parfois, je m'emporte, d'accord, mais je veux que l'émission soit au top. Non, mais nous aussi, c'est pareil. C'est vrai, vous voulez ça aussi? Mais oui, on a juste une autre méthode de travail, c'est tout. Oui, une autre méthode tout court quand même. Hein. Mais Charline, il travaille. Mais voilà, c'est vrai, merci. Écoutez, on va se reprendre en main. Okay. Je propose qu'on fasse du team building. Du coup, quoi? Et voilà, l'esprit d'équipe, là. On commence demain et je vais faire venir un gourou. Non. Ah, si c'est comme ça, demain, un gourou viendra vous apprendre à se détendre. Ok. La marre de ce stress, merde. Ça va nous faire du bien de voir Amanda Sterz. Oui, elle est douce. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui va chercher l'actualité avec les dents. Et voici les trois informations dans lesquelles on va mordre jusqu'à 18h. François Hollande renouvelle son entourage. Il est à l'écoute de ceux qui partagent ses soirées, comme Pierre Lescure, Fabrice Lucchini ou Vincent Lindon. Justement, nous avons joint Vincent Lindon par téléphone. Quand je pense que je vais encore devoir me cogner son nouveau projet à la con, il y a quelque chose de formidable. Être un autre, tout reprendre à zéro, pour l'écrivain à succès lassé de son étiquette, c'est possible en publiant sous un pseudo, en larguant son ego. J'ai pas assez souffert avant d'être célèbre. Le quota de chansons françaises qui passent en radio cause du souci aux radios privées car la production chute de plus en plus de Français chantant en anglais. Faut donc songer à adapter le quota de Made in France. Je suis Arnaud Montebourg et j'approuve ce message. Je suis accompagné du seul homme capable de fredonner spontanément... tout doucement de Bibi, puisqu'il est le seul à s'en souvenir, c'est Alex Vizorek. Merci Charline Vanhoenacker. Vous voyez que c'est bien quand vous y allez mollo comme ça, travaillez dessus. Belle équipe aujourd'hui autour de la table. Ouais. Et bien l'équipe de base, ils sont là, ils sont beaux. À 17h20, notre prestidigitateur de la chronique. Dans son chapeau haute forme, il place une grosse quantité de mots. Il tapote trois coups de baguette et c'est une colombe musicale qui s'envole vers le ciel. On ne sait pas comment il fait. C'est André Manoukian. C'est ça. Bonjour Alex, bonjour Charline. J'ai fait une grande découverte hier soir. Hier soir, j'enregistrais l'émission excellente Partons en live du vendredi soir, je recevais Nicolas Gaudin du groupe R qui a fait un album autour de Bach et j'ai redécouvert Jean-Sébastien Bach. Voilà. Et je pense qu'en cette époque troublée, il faut revenir aux fondamentaux et vous allez voir à quel point le bonhomme est éternel. Voilà, il va dire du bien de Bach. Bon, c'est Back pas to trop compliqué non plus. À 17h30, pour le présenter, j'ai beaucoup tourné ces derniers temps. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de laisser la parole à ses admiratrices. Il est trop beau. Il a un talent de ouf, ce mec. Franchement, il est waouh. I love you. Je crois que vous l'avez reconnu, cette fête. C'est Guillaume Meurice, bonjour. Et oui, j'embrasse ma mère et ma sœur qui ont été payées. Alors, moi, je vais tenter aujourd'hui de vous expliquer la situation de l'écologie politique en France. Oula. Comment est l'ambiance au sein d'Europe Écologie Les Verts? C'est vrai que l'ambiance est un peu baissée en qualité et qu'il y a un peu d'invectives personnelles. Voilà, tout va bien. Et à 17h46, moi j'étais magicien, je rêverais de monter un numéro avec elle, idéalement le numéro de la femme coupée en deux, parce que même une moitié, eh bien je serais déjà heureux. Bonjour Clara Dupont-Mono. Bonjour Alex. Mais laquelle alors? Ah, Rachel, quelle moitié? C'est le qui voudra. Autant que c'est pas le lapin. De quoi vous allez nous parler? Eh bien du livre de notre invité. Mais non. Et aujourd'hui, le référent de la République qui préside cette émission, c'est une référente. Vous êtes née sous Giscard, vous écrivez la pièce Le vieux juif blonde en 2006, c'est l'année où Jacques Chirac se met enfin au boulot et inaugure le musée Branly. Vous réalisez votre premier film Je vais te manquer en 2008, quand Nana Mouskouri pense pareil en mettant fin à sa carrière. Vous publiez la première biographie officielle de Johnny en 2013, en Chine c'est l'année du serpent et en Europe c'est l'année du cheval, dans la lasagne. Vous êtes, je vous laisse nous le dire de votre douce voix donc, vous êtes Amanda Sterz. Bienvenue. La douceur sur France Inter. Charline Van Hunaker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Amanda Sterz, bonjour. Bonjour. Vous publiez Les Promesses, roman chez Grasset. Alors il y a Les Promesses de l'aube et puis il y a Les Promesses de toute une vie. Alexandre qui traverse la vie géographiquement entre Paris et la Toscane, mais un drame va conditionner son existence et ses amours. Vous résumez d'une phrase au milieu du livre en disant « La mort de papa m'avait amputé de ma vie promise ». C'est ça, c'est l'histoire d'Alexandre, de ses amours, de ce drame qui conditionne sa vie, de toute cette contingence, les promesses. Oui, en tout cas de cette impossibilité à aimer, parce qu'il y a des failles originelles. La mort du père en est une, puisque avec cette vraie mort, il aura du mal à le tuer symboliquement. Et il y a beaucoup de souvenirs d'enfance qui viennent éclairer son incapacité à aimer et à vivre plus largement. Il y a aussi une histoire d'amitié, oui, entre trois garçons. Oui, voilà, ils sont amis depuis tout petit, depuis la fac, c'est ça ? Depuis le lycée. Ouais. Et j'avais cette envie-là, effectivement, on est entre l'Italie et la France, d'un roman qui ressemble un peu à ces films italiens sur un ton de Nous sommes tant aimés, tous ces films où l'amitié est la colonne vertébrale des êtres et l'amour va, vient, il y a des claques, mais il reste cette valeur qui leur permet de traverser la vie. Il y a le poids de l'Italie et le poids d'être un homme en Italie qui revient régulièrement dans le bouquin. Oui, en tout cas, c'est cette dernière génération de machos, dont son grand-père qui est le symbole masculin puisqu'il n'a plus de père fait partie et qui représente cette masculinité écrasante qui, je pense, c'est une dernière génération d'hommes. Ces hommes d'avant-guerre où les femmes avaient une place très définie, les hommes aussi. Et vous espérez ou vous pensez que l'Italie dans 20 ans, ce sera... Non, je pense. Enfin, c'est effectif. Je pense que ça se voit quand on va là-bas. Et d'ailleurs, il y a une perte de repère globale sur voilà, quelle est la place désormais des hommes, comment ils doivent se positionner, parce qu'avant, tout était assez caricatural. Le nono qui lui paye d'ailleurs une chambre d'hôtel à Alexandre et sa première qui le déniaise en fait. Ouais, en fait, il a envie de prêtrise à l'âge de 13 ans. Il a cet éclairage mystique et son grand-père calme tout de suite en le jetant dans les bras des envies, en le mettant dans la chambre avec une prostituée à 13 ans. Ouais. Alors, particularité de ce livre aussi, c'est que vous vous glissez dans la peau d'un garçon, d'un homme, Alexandre. Je peux lire un petit passage Avec plaisir. Voilà. L'arrivée des femmes dans ma vie m'a fait perdre du temps sur le reste. Séduire, voilà ce que je voulais faire comme métier, séduire et baiser. Je voulais être aimée aussi, j'avais besoin que les débuts ressemblent à des histoires d'amour fracassantes. Je me trouvais dans la nécessité de croire en l'éternité et de la voir s'inscrire dans les yeux de l'autre. Dès qu'elle était en revanche prononcée par une femme à laquelle j'avais fait l'amour, elle me dégoûtait profondément. Et je prenais la fuite. Très belle biographie d'André Manoukian. Et de beaucoup d'hommes que je connais. C'est aussi la vie, c'est ça. Tout cela est inspiré de la vision, finalement. Pas forcément une vision que je n'ai pas inventée. Fantasmée, bien sûr. Mais que la littérature et la psychanalyse depuis longtemps, qui est voilà, comment on trouve l'équilibre entre la maman et la putain. Comment une femme peut, qui à partir du moment où elle incarne l'amour, peut rester désirable et ne pas être sanctifiée. Et c'est toute la complexité de l'âme masculine, alors que les femmes, quand elles aiment, sont amoureuses corps et âme. Les hommes, quand ils aiment, ont tendance à transformer les femmes en mères, à les mettre sur un piédestal et ensuite à ne plus les désirer. Mais vous l'expliquez, ça, justement, ça permet de balancer entre les deux, que vous soyez une femme et que vous mettiez dans la peau d'un homme. Une espèce de comparatif en filigrane, quand même, dans le livre. Oui, sachant que j'ai dans ce domaine-là pas mal de mécanique masculine. Ouais, donc je les comprends assez bien. Vous êtes capable de coucher par politesse. Non, par politesse, non. Je ne pense pas que les hommes soient capables de coucher par politesse, mais je pense que le désir et l'amour ne se situent pas toujours au même endroit. Quand moi, si on vous arrive demandez à trouver les deux... Bah écoutez, j'avais déjà demandé à Alex, mais... J'attendais que vous me proposiez, je vous remercie Amanda. Écoutez, bah alors, lisez les promesses d'Amanda Sterz. C'est publié chez Grasset, on va y revenir tout à l'heure, avec Clara Dupont-Mono notamment. Allez, PG Harvey, Good Fortune, le CAC 40 va bien, bonne nouvelle. Through my bad fortune, off the top of a tall building, I'd rather done it with you. Your boy's smile, five in the morning, looked into your eyes, and I was really in love. In Chinatown, hungover, you showed me just what I could do. Talking about time travel and the meaning, just what it was worth. And I feel like some bird of paradise, my bad fortune slipping away. And I feel the innocence of a child, everybody's got something good to say. France Inter, avec la voix douce d'Amanda Sterz, qui est notre invitée. Vous êtes aussi co-auteur avec Morgan Spielmacher de la pièce Conseil de famille, qu'on peut voir actuellement au Théâtre de la Renaissance. Et vous êtes parmi nous pour Les Promesses, roman paru chez Grasset et autour de cette table. Et autour de ces deux douces demoiselles, nous avons encore une troisième, Clara Dupont-Mono, un petit peu moins quand même, ses yeux noirs. Et puis deux hommes de grande virilité, Guillaume Meurice et André Manoukian. Et à cette heure-ci, sur France Inter, Amanda Sterz, c'est l'heure des actualités radiophoniques. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Les titres de ce journal. Oui, nous ferons le point sur la condition des migrants au lendemain de la sortie de la chanson de soutien de Francis Lalanne. Nous parlerons cinéma avec le biopic de Lance Armstrong, un film couillu sur la vie d'un homme qui pourtant n'en avait qu'une. Et aussi, comme tous les jours, des brèves, du sport et du mauvais esprit sur Claire Chazal. Migrants, le gouvernement est prêt à rétablir un contrôle temporaire aux frontières, mais il assure ne pas avoir fait un volte-face. Effectivement, c'est plus complexe que cela. Il s'agit en réalité d'un volte-face de veste. Les barbelés commencent à se multiplier aux frontières de certains pays européens, une attitude qui étonnamment divise même le FN. En effet, quelques frontistes s'insurgent, je les cite, hein, c'est une pratique digne du Moyen-Âge, on est au 21e siècle, merde, il serait temps de passer aux clôtures électrifiées. Vous vous souvenez de cette journaliste hongroise qui avait fait un croche-pied à un réfugié syrien? Oui, tout à fait. Cet homme était un entraîneur de football dans son pays. Osama Abdul Mosen avait entraîné un club de D1 syrienne et le club espagnol de Getafe a entendu ça et lui propose de venir les rejoindre. Ah, c'est beau. C'est beau. Et fort de ça, la ville de Marseille a fait un communiqué disant que si parmi les réfugiés, il y avait de la chance d'avoir un entraîneur de qualité, la ville était prête à accueillir un gros quota. Rappelons tout de même que nous soutenons les réfugiés. Bien sûr, on les soutient essentiellement contre ceci. Ouvrir son cœur et son esprit, ouvrir les frontières de son pays à ceux qu'on a privés du droit. Je rappelle qu'il faut écrire en dessous, ceci n'est pas une parodie. Et oui, c'est pas bien ce que vous faites parce que Francis Lalanne il a dit qu'il allait attaquer les gens qui le traitent d'opportuniste. C'est vrai, il a déclaré on ne veut plus d'artistes qui font réfléchir. Eh bien sache Francis que nous, on a beaucoup réfléchi avant de diffuser un extrait de cette chanson. Une page internationale. Oui, avec ce titre dans la presse ce matin, Japon, deux points. Des parlementaires en viennent aux mains pour défendre l'idéologie pacifiste de leur pays. Pardon ? Oui, eh bien le Japon de longue date est pacifiste et refuse d'envoyer des militaires combattre en dehors de l'autodéfense, c'est-à-dire que chez eux, ou si c'est pour se défendre en dehors. Et il y a une proposition de loi qui voudrait instaurer la possibilité de le faire, et les parlementaires se sont battus pour donc, ça. Donc, ils se battent au Parlement pour ne pas aller faire la guerre. C'est ça. Alors qu'aux États-Unis, ils se mettent jamais sur la gueule au Parlement, mais s'il faut aller ailleurs, alors on est bon. Okay. Très bien, on passe à l'Afrique. Oui, le président zimbabwéen Robert Mugabe, 91 ans, a prononcé par erreur, mardi au Parlement, le même discours que celui qu'il a donné le mois dernier. On attend avec impatience le mois prochain pour savoir si c'était une erreur administrative ou la maladie d'Alzheimer. Une page cinéma à présent. Oui, The Program, le film sur Lance Armstrong est sorti hier dans les salles. Le monde du cyclisme s'offusque et déclare on ne tire pas sur une pharmacie. Que l'acteur qui joue le rôle de Lance Armstrong a avoué s'être dopé pour préparer le rôle. Oui, c'est toujours important de se mettre dans la peau du personnage qu'on joue. Voilà, on aimerait tellement savoir comment Gérard Depardieu avait préparé le film d'Abel Ferrara, dans lequel il jouait Dominique Strauss-Kahn. Média Claire Chazal réclame 2 millions d'euros à TF1. Oui, mais ça se comprend, hein, donc elle touchait 120 000 euros par mois pour ne rien faire 5 jours par semaine. Maintenant, elle ne va rien faire 7 jours par semaine. Mais c'est plus cher. On vous accompagne jusqu'à 18h sur France Inter et avec Amanda Sterz. Et on va parler avec vous du premier sujet de cette émission. Car autour de François Hollande, on ne compte plus les départs, on ne compte plus les arrivées, nous dit l'Obs cette semaine. L'Obs qui a enquêté notamment sur les dîners du président. Il aime s'entourer d'acteurs du monde culturel qui sont soucieux d'être propres sur eux à ce rendez-vous qu'ils ne veulent surtout pas manquer. Je passe d'abord chez lui boire un verre et on va dîner ensuite. Vous allez au restaurant ? Non, c'est un ami à lui qui organise un grand dîner. Je ne sais trac, moi. Laquelle ? C'est la même. Ah non, celle-là est plus rouge. Allez, jamais ça fait plus fantaisie. Voilà. La culture et le showbiz occupent aujourd'hui, dans la vie de François Hollande, une place qu'il n'avait pas en 2012. François Hollande entouré d'artistes, de journalistes aussi. Et étrangement, pas d'écrivain, pas d'intellectuel, nous dit l'Obs. Vous avez déjà rencontré François Hollande, vous pourriez vous dévouer pour être l'écrivain associé à François Hollande ou le lui donner un retour sur ce milieu. Vous avez cité le bon mot, me dévouer. écoutez, c'est pas une demande de votre part. Non, c'est pas une demande de ma part. Non, mais surtout, je comprends pas. Il y a des gens qui sont assez cons ils pensent que les gens sont assez cons pour voter pour quelqu'un parce que il est ami avec. Alors, écoute, je ne sais quel acteur. Parfois, les gens sont cons, hein, quand même. Donc, mise là-dessus un petit peu. Là, je pense qu'il y a quand même. Je trouve que c'est trop et que en ce moment, vu ce qui se passe autour, je trouve ça presque scandaleux. Qu'il y ait du temps perdu à ça. Quoi. Oui. Vous voulez dire, pour décider de mettre en une et de faire un long dossier là-dessus, simplement De sa part à lui, d'un coup, de faire de la promotion sur le dos de personnalités qui pourraient lui apporter une cote de popularité supérieure. Est-ce que lui avait vraiment envie que ça se sache? Non, c'est pas de la promo. Un journaliste qui fait un sujet là-dessus. Moi, je trouve ça un petit peu normal quand même qu'un chef de l'État soit un tout petit peu au courant de il veut pas de contrôle fiscal, la DDP, c'est tout. Mais Il y a un moment donné. Ouais, parce que vous êtes invité, voilà. Vous. On va le savoir. Donc, le dernier président littéraire qu'on avait, c'était Tonton. C'était François Mitterrand, qui était vraiment un grand lecteur, qui était ami avec Michel Tournier, qui allait au moins tous les deux mois, qui recevait des écrivains. Aujourd'hui, il faut quand même se mettre dans l'air du temps. De la part de Mitterrand. Là, je pense que c'est pas artificiel non plus. Un mec qui est déconnecté de ce qui se passe. Un mec qui a quand même eu une ministre qui a déclaré qu'elle n'avait pas lu le livre depuis 2 ans. Alors ça, c'est peut-être. Effectivement, là, oui. Alors, dans l'article, il y a une phrase qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai ce que tu penses ». De savoir qu'il est entouré de Vincent Lindon, Fabrice Lucchini, Pierre Lescure, donc ça ne signifie rien. Qu'est-ce que ça veut dire, finalement ? De le faire savoir ou de... Non, ceci dit, c'est pas les pires, c'est étonnant. Est-ce que c'est pire d'être entouré de Barbe Olivia ou Enrico Macias ou Mireille Mathieu ? Ah ouais, moi je dis ça oui. Ça donne un autre indice, ça donne un autre signe. Ça donne quand même une couleur. Il y a une question à laquelle vous n'avez pas vraiment répondu. Si maintenant, demain, l'Élysée vous appelle et dit « Voilà, demain, il y a un dîner, ce sera très sympa », est-ce que vous y allez ? Bah, la bouffe est bonne, Manouka, non, ou pas ? Non, mais j'irai d'abord par curiosité, parce que je ne suis jamais allée. Et j'irai parce qu'on a toujours la sensation qu'on pourrait le convaincre de ne pas se représenter. Ah, c'est peut-être ça qu'ils font tous ces gens. Voilà, et puis il y a aussi le cas de Philippe Torreton, qui ensuite s'est désolidarisé avec fracas. Personne ne sait pas, mais fracas en tout cas. Je vous renvoie quand même à cet article de l'Express, même si effectivement ce qui se passe en ce moment est quand même autrement plus grave, et ce que c'est assez frivole finalement et décalé de lire cet article. Mais sachez qu'avant d'aller dîner chez Michel Drucker cet été, je cite l'Obs, François Hollande était ignorant de certaines choses de la vie. Ainsi, le chef de l'État ne savait pas qu'il existe des couches-culottes pour chiens. Et elle est rentrée sous le bras avec deux paquets offerts par Dany Saval, parce qu'apparemment Philae a des petits problèmes. Ce sont les problèmes concrets des Français. Et voilà. C'est un homme qui s'intéresse. Et donc vous attendez une autre tête à gauche pour recrier vos idées de gauche pour 2017. J'ai jamais spécialement crié mes idées de gauche. Mais on sent que vous n'adhérez pas à celui-ci. J'ai crié contre la droite parfois, mais c'est pas la même chose. J'ai l'impression que de toute façon c'est plié, donc je devrais être sympa avec François Hollande puisque il va mathématiquement être là encore 5 ans. C'est pas possible. Tout à fait faux. C'est possible. Comme André Manoukian. Comment André Manoukian, justement, vous lui jouez la sérénade quand vous dînez avec François Hollande, André Manoukian ? Il n'y a pas de piano à l'Élysée, vous vous rendez compte ? Ah, vous le savez, voilà. Au moins. Ça, c'était. Non, c'est pas vrai. Si, il n'y a pas de piano à l'Élysée. Il faut en parler à Julie Gayet. Alors, bah oui, ça, c'est par là que ça passe, en effet. Non, moi, j'ai été dîner chez madame, mais bon, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Et qu'est-ce que vous lui raconteriez si vous aviez une chronique à lui faire, par exemple ? Eh bien, qu'il y a un musicien qui est intemporel et qui. Francis Lalanne, encore. Non. Il a dit un musicien, donc il y avait un indice. Il s'appelle Bach. Et en fait, j'ai découvert quelque chose. Et moi, comme j'adore faire découvrir mes découvertes, eh ben, en fin de chronique, il y aura Bach mélangé avec l'Afrique. Et ça me réjouit beaucoup. Ça s'appelle l'Ambarena. Mais avant, une chose que j'ignorais encore hier, figurez-vous que avant Bach, la musique est un bordel sans nom. Je vais essayer d'être clair. On aurait tendance à penser que l'évolution musicale va du simple au compliqué. C'est en tout cas comme ça que ça commence. Au commencement, on est monophonique, c'est-à-dire une seule mélodie. Ce type de mélodie, au Moyen-Âge, on appelle ça le plein chant. En fait, plein, ça veut pas dire qu'on chante quand on est bourré, ça veut juste dire plein, P-L-A-I-N, ça vient du latin planus qui signifie plat. Ça désigne donc une mélodie qui n'a pas d'accident. C'est quoi une mélodie qui subit des accidents? Pour le comprendre, petit voyage en Inde. Alors, la technique du chant indien, elle est particulière. Si vous prenez des cours avec une prof de chant indien, elle va vous dire quelle est ta note. Alors vous allez penser que c'est l'écart entre votre note, là j'ai mon petit Casio, entre votre note la plus grave et votre note la plus aiguë. Vous dites, moi je peux descendre jusqu'au sol, comme ça, puis je peux monter jusqu'au là. Ça s'appelle l'ambitus. Mais pas du tout. Elle va vous dire, non, je ne vous ai pas demandé quel est votre ambitus, je vous demande quelle est votre note. Et là on se dit, mais de quoi elle nous parle? En fait, pour les Indiens, chacun a sa note personnelle. Et une fois qu'on a trouvé sa note, eh ben on la joue tout le temps et toute sa vie. Et après, on ne fait que tourner autour d'elle. Donc, je sais jouer du piano en Inde. Et c'est-à-dire la note d'Amanda Stern. Voilà, on part de sa note qu'on a trouvée, et puis après, on s'écarte un peu, mais on revient toujours. Mais comment vous savez que c'est votre note ? Bah, alors, pour la trouver, il faut que je mette ma main sur votre plexus pendant que vous chantez, Clara. Je le ferai après. On va pas la trouver, alors. Une fois qu'on a trouvé sa note, on est en conscience avec, on est en résonance avec l'univers, puisque l'univers a une note de musique. C'est ça, la philosophie chez les Indiens. On revient en Occident. Donc, vous avez compris cette histoire de notes qu'on, alors, le prof de chant indien, encore une fois, vous dit, tu, avec ta voix, tu chantes. Donc, c'est pour ça que j'ai ce casio, parce que je chante tellement mal. L'idée, c'est qu'une fois qu'on a trouvé sa note, on a l'image d'une ligne pure comme ça. On l'étire le plus loin possible. Et tout d'un coup, on pense à un petit nœud. C'est quoi le petit nœud? C'est ça. C'est très bas. C'est-à-dire, ça. Ce sont des appoggiatures. Et ça, en Occident, on appelle ça un neume. Un neume, c'est la manière de noter la note au lieu de noter une en note, Chine par aussi, exemple. Mais ça se mange, mais bon. Voilà, c'est ça. Eh bien, ça sous-entend qu'on peut faire beaucoup de notes autour. C'est-à-dire que si je vois sur une partition du Moyen Âge écrit do, ré, mi, ça va être trois neumes. Ça veut dire que au lieu de faire ça, je vais faire ça. C'est-à-dire que je vais faire des appoggiatures autour, je vais jouer, je vais faire des variations. Et juste avant Bach, alors ça, un neum, ça vient du grec pneuma, qui veut dire signe, qui vient de pneuma, qui veut dire esprit. Et c'est là qu'on comprend tout. C'est pour ça que les chanteurs de R&B nous cassent les couilles avec leur vibe. Ils veulent prouver qu'ils ont de l'esprit aussi, parce que les chanteurs de R&B, ils font la même chose. Puff Daddy et I Believe I Can Fly et Palestrina et son Veni Creator, même combat. On va revenir à l'origine du chant. Le plein chant, vous l'avez compris, est un chant droit sans vibe. C'est le chant des églises primitives chrétiennes qui lui-même est dérivé du chant des synagogues. Parce que la musique, à la base, c'est du domaine du religieux. On n'y coupe pas. Ce sont les moines qui ont inventé la portée pour gérer ce bordel. Parce que comme on dit en Inde, la musique ouvre les chakras et quand on a ces chakras en mode open bar, on peut se faire pénétrer par un esprit qui se balade par là, qui dit « Tiens, ce chakra a l'air ouvert, entrons. » Voilà. Donc, c'est hyper excitant. Quand on se ça, retrouve ouais. Fin du 14e siècle. Et là, ça va être tellement complexe avec toutes ces histoire de nœuds, de variations et tout ça, qu'étonnamment, en fait, on va se retrouver avec une musique qui est presque aussi complexe que la musique dodécaphonique du XXe siècle. C'est ça que j'ai appris. Vous rappelez, Charlie, la musique dodécaphonique ? C'est-à-dire l'idée de dire, je prends 12 notes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et je les enchaîne. Juste avant Bach, c'est ça l'histoire. C'est-à-dire qu'on arrive à un degré de complexité tel que les musiciens doivent être des hyper techniciens et les gars qui écoutent, ils doivent être des hyper mélomanes pour piger tout ça. Et ben quand Bach arrive, il dit stop. À un moment donné, il faut qu'il y ait un patron dans la boutique. Une fois de plus, c'est un Allemand qui s'y colle. Et quel patron ? Sans lui, Dieu n'existait pas, nous dirait Sioran. Il met de l'ordre, il revoit l'accord des instruments. C'est pour ça qu'on dit le clavecin bien tempéré. Et en fait, l'édifice qui était complètement infouilli, il va en faire une cathédrale somptueuse. Aujourd'hui, moi, je l'ai découvert hier après Nicolas Gaudin, la moitié du groupe R. Didier Varoud vient en parler. Qu'on partait de là, c'est exactement. Juste. Et là, on va écouter l'Ambarina. C'est un projet qui est sorti dans les années 90. C'est le docteur Schweitzer qui joue et les Africains qui lui répondent. Renard, c'est la découverte d'André Manoukian. Alors, c'est une vieille découverte, parce qu'encore une fois, l'album est sorti au début des années 90, mais vraiment, revisitez-le. En ce moment, si Bach est à l'honneur grâce à Nicolas Godin ou à d'autres musiciens, moi je dis tant mieux. Et c'est aussi une réponse à un certain Bruno Gollnisch qui disait il y a une différence quand même entre un tam-tam africain et Mozart. Eh ben non, mon gars, regarde. Et quand ce dialogue-là, il est superbe. Voilà. Merci André Manoukian. Vous pouvez écouter cette chronique sur franceinter.fr bien sûr. Nous sommes toujours en compagnie d'Amanda Sterz qui publie Les Promesses, un roman chez Grasset. On va en parler dans quelques instants avec Clara Dupont-Monod. Mais à cette heure-ci, Amanda Sterz, il y a du comique d'investigation. C'est-à-dire que l'humour peut permettre de dénoncer des choses ou d'en expliquer. Et c'est le moment de Guillaume Meurice. Oui, alors aujourd'hui, j'étais parti pour vous expliquer en détail la situation en Syrie, les 803 groupes armés qui s'entretuent, les prises de position de Bachar el-Assad et BHL qui déclare la guerre aux cheveux secs et cassants. Mais c'est un début en tout cas. Voilà, je voulais vous aider à y voir plus clair. Mais je me suis dit, la situation en Syrie, c'est trop facile. Vous allez tout piger tout de suite. Autour de la table, il n'y a pas que Clara Dupont-Monod. Il y a aussi des esprits vifs et brillants. Donc, il me fallait une situation plus complexe que la Syrie. Et j'ai trouvé. Europe, écologie, les Verts. Ça, c'est du lourd. Niveau bordel, il n'y a pas mieux. Alors, accrochez-vous. Je vais tenter de vous résumer la situation. Tous les cadres du parti se barrent les uns après les autres. C'est par exemple le cas de l'écologiste doyen du Conseil régional d'Île-de-France, Robert Lyon. Alors, son nom est une espèce en voie de disparition. Donc, je me suis dit, le gars est plutôt cohérent. Est-il cohérent jusqu'au bout ? Je suis écologiste. Je suis aussi et avant tout républicain. Alors vous êtes républicain, et c'est-à-dire que vous vous rapprochez de Nicolas Sarkozy ? Ah non. Ah. Oh là, il nous ennuie avec son. Bon, alors on ah bah oui. Il nous empoisonne avec son vocabulaire. Ah bah ça complique la situation, oui. Je veux bien redire la phrase que je vous ai indiquée. Non, ça va aller Robert, parce que ça va être trop long. On a compris, il aime pas que Nicolas Sarkozy ait appelé son parti Les Républicains. Il considère ça comme une prise d'otage sémantique. Non, lui, il se sent plus proche du nouveau parti écologiste qui s'appelle Écologiste. Voilà, la cohérence, c'est important. Ah ouais, à ce rythme-là, si je crée un parti, je les appellerais l'haleine fraîche, par exemple. Comme ça, tous ceux qui sont pas d'accord avec moi, je dirais qu'ils puent de la gueule. Ce sera plus pratique. Bon, j'en avais pas fini avec Robert. J'ai tenté de savoir où il en était politiquement. Est-ce que vous vous sentez plutôt à droite des Verts, à gauche des Républicains, au centre du Modem ou alors carrément au PS ? Je ne sens rien de tout ça. Ah merde, voilà, je pensais avoir brassé large et puis c'est foutu, bon ça commence mal. Bon écoutez, je ne lâche pas l'affaire, j'ai contacté un des premiers à avoir quitté les Verts, c'était en 1994, il s'agit d'Antoine Wächter. Il a été candidat aux élections présidentielles, donc j'avais des questions à lui poser. En 88, vous avez fait 3,8% des voix à la présidentielle, est-ce que vous pensez que Cécile Duflot peut vous battre en faisant encore moins ? Ben, 3,88, c'était quand même un des meilleurs résultats à l'élection présidentielle. Il n'y a qu'une seule personne qui a réussi à dépasser ce résultat, c'est Noël Mamère. Noël Mamère, il a fait plus, mais est-ce que vous pensez qu'on peut faire moins ? Ah ben bien entendu. Ah, ouf, la machine à perdre n'est pas cassée. Après Dominique Voynet, 1,57%, Eva Joly, 2,31%. On peut faire mieux. Alors attention, parce qu'à force de creuser, ils vont trouver du pétrole, et ça, c'est pas très écolo. Alors Antoine Wächter, il l'est toujours, écolo. Il a créé un autre parti, le MEI, le Mouvement Écologique Indépendant. Enfin, indépendant, pas toujours. Il a su créer des alliances. Après, vous avez rejoint le Modem, on peut dire que vous avez toujours fait des choix gagnants, finalement. Vous avez eu en Auvergne et en Franche-Comté un accord entre le mouvement écologiste indépendant et le Modem, c'est vrai, ça n'a pas été particulièrement bénéfique. Ah. Par contre, moi-même, j'ai été élu sur une liste d'accords avec Europe Écologie Les Verts. Non, pas par la suite, en même temps. En même temps, vous aviez un accord avec le Modem et avec Europe Écologie Les Verts ? Tout à fait. Ah d'accord, donc ça ne date pas d'hier qu'on ne pige absolument rien aux alliances des écologistes. On recycle une tradition historique. Alors qu'en est-il aujourd'hui ? J'ai contacté la Fédération Europe Écologie de Paris 14e pour savoir comment cela se passait en interne et faire un point sur la stratégie. Est-ce que vous êtes plutôt contre la division du Rassemblement des Verts ou pour le Rassemblement des Divisions des Écologistes ? Pour le Rassemblement des Têtes Divisions, à partir du moment où on est capable de porter les responsabilités ensemble. Mais avec des divisions quand même. On peut ne pas être d'accord sur tout et travailler sur les choses sur lesquelles on est d'accord. On l'a fait un peu avec le PS. Ah bah oui, mais vous êtes parti du coup. Mais on est parti parce qu'on n'était pas d'accord. Mais vous dites on peut travailler ensemble si on n'est pas d'accord, mais vous êtes parti parce que vous n'étiez pas d'accord. On peut travailler ensemble sur les sujets sur lesquels on est d'accord. Enfin, une question de confiance aussi. Voilà, quand la confiance est rompue, c'est difficile de travailler avec un partenaire. Oui, donc d'accord, c'est une question de confiance. Et on sent bien que les électeurs écologistes nagent en pleine confiance vis-à-vis de leurs représentants politiques. Je confierai autant l'avenir de la planète aux représentants écolos qu'une famille de Roumains à Robert Ménard. Tiens, puisqu'on parle de représentants politiques, laissons le mot de la fin au roi, hein, celui des animaux, Robert Lion. Est-ce que vous ne rajoutez pas des divisions aux divisions du Parti Socialiste ? Du Parti Socialiste, je ne le pense pas. Du côté des écologistes, oui, effectivement. Mais au Parti Socialiste aussi, il y a beaucoup de divisions. Mais une division, ça veut dire aussi une clarification. Ah, et ben voilà, une division, c'est une clarification. Là, voilà la clé du mystère. Et le problème des écologistes, c'est qu'ils se clarifient en permanence. À force, ils vont même devenir une espèce en voie de disparition. Pardon. Et il n'y aura par définition plus d'écolos pour les protéger. Merci Guillaume Meurice. Je rappelle qu'on peut vous voir en chair et en blague aussi. Samedi, vous jouez près de Dax. C'est ça. À 20h, votre spectacle que demande le peuple. Dans les arènes à Ponton sur l'Adour. Ah, en compagnie de Didier Vampas et Django Edwards. Très bien. Protégez-vous. On est ensemble jusqu'à 18h en compagnie d'Amanda Sterz qui publie Les Promesses, roman chez Grasset. Et par ailleurs, vous êtes co-auteur de la pièce Conseil de famille que vous pouvez voir actuellement au Théâtre de la Renaissance avec Eva Darlan notamment. Et on va aborder le deuxième sujet avec vous. Deux auteurs à succès viennent de publier sous pseudonyme. Personne ne sait de qui il s'agit. Un brusque retour à l'anonymat pour mettre davantage en valeur leur travail brut. C'est une énigme à laquelle tous les passionnés de littérature veulent jouer. Qui est-ce ? Je t'aide un peu, ses yeux sont bleus. C'est elle ou il ? C'est pas une fille. Trépied, moustachu, ça c'est bien vu. Il a des lunettes et une casquette, c'est Jack. Ha, pas bête, trouve le nom, t'as gagné, t'es champion. Qui est-ce un jeu aimé? Le monde de la littérature, je vois qui est-ce en ce moment. Et ça se passe chez votre éditeur d'ailleurs, Amanda Sterz. Vous publiez chez Grasset. Vous avez des informations alors pour pas du tout. Non, on les harcèle tous pour savoir, mais ils ne veulent pas dire. Ouais. Alors, François Saint-Onge publie Le métier de vivant, donc chez Grasset. Seul le PDG, Olivier Nora, le connaît. Il n'y a pas d'attaché de presse, personne ne sait, etc. Donc c'est assez troublant. C'est un fantasme chez vous, la publication sous pseudo? De se dire, roman, mais qui, où il n'y a pas Amanda Sterz écrit dessus. Bah, on rappelle que Michel Houellebecq, c'est vous. Hein. Oui, mais personne ne le sait. Voilà, même lui ne le sait pas. Le vieux Michel. Est-ce que ça vous a déjà effleuré l'esprit? C'est-à-dire qu'on aimerait tous être débarrassés de l'image qu'on véhicule et qui donne un a priori qui rend impossible la lecture d'une œuvre sans la rattacher à une image. Donc, évidemment. Dans mon cas, oui. Et en même temps, c'est totalement impossible, quasiment impossible aujourd'hui d'avoir une visibilité avec un livre quand on n'apparaît pas physiquement, quand on répond pas à des interviews. C'est presque... C'est difficile. Effectivement, J.K. Rowling, en quelques jours, les ventes du roman... Donc, elle avait publié sous pseudo. 1500 exemplaires s'étaient vendus. Hein. Je rappelle que c'est l'auteur d'Harry Potter, quand même. Et puis, quand elle a été outée par la presse, eh bien, elle a vendu plus de 20 000 exemplaires, effectivement. Donc, ça se vérifie. Parfois, ça se justifie, cela dit. Hein, quand Nourrici avait écrit Les chiens à fouetter, c'était une charge au vitriol contre le milieu littéraire. Oui. Il avait pris, du coup, un pseudo. Mais là, on est dans une... Mais là, c'est une œuvre de fiction. Il n'y a pas de raison. Voilà. À part, je sais pas, j'imagine qu'il a peut-être déjà eu des prix et donc il pense qu'il peut plus y avoir accès ou qu'il veut. Je pense qu'il y a aussi cette envie. On fait des métiers qui ne sont pas ceux de sportifs, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on vaut. On n'a pas un chrono à l'arrivée. Et donc, d'être nettoyé d'une image, ça nous permet de nous dire peut-être qu'il y aura la même pureté en face et qu'on va nous juger pour ce qu'on est réellement. Enfin, si ça se trouve, c'est un inconnu qui est en train de faire le coup du siècle. Apparemment non, peut-être. Et puis ça ne se vend pas non plus tant que ça, alors que le livre est d'une immense qualité et on sent derrière l'écrivain. Quoi. Oui, alors exactement. Il y a deux pistes, Patrick Rambaud ou André Imakine. En tout cas, il a été contacté par email par Le Figaro et il explique, par exemple, que. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui reconnaissent le style, c'est ça? Est-ce qu'on peut essayer de deviner le style. Enfin, j'aurais bien parlé sur Imakine d'ailleurs quand on le lit, mais parce que aussi il y a des petites références, il y a des choses. choses qui peuvent nous faire penser au style de Makin. Et après, le style, même si on peut le changer, je pense que c'est pas à ce point-là reconnaissable comme c'est pas Céline ou c'est pas des styles surchargés. Ouais, ouais, mais on sent en revanche la puissance du métier derrière. Ça m'étonnerait que ce soit un premier roman et que ce soit un coup. Non. Alors, à part Romain Gary et Émile Ajar, bien sûr, avec les prix qu'il a reçus, bien, l'auteur ici, donc François Saint-Onge, dit si on lui donne un prix, est-ce qu'il va aller le chercher ? Il dit il semble que le simple fait de porter un masque effarouche les jurés et écarte cette hypothèse. Que fait mentir quand même Romain Gary. Mais c'est l'un d'Aouvé, donc c'est qu'ils le connaissent alors. Non, par email. Ouais, mais c'est pas la avec une c'est fausse pas adresse. C'est pas la même chose que. C'est pas la même époque que Gary. Mm-hmm. Enfin, aujourd'hui, tout est surmédiatisé. C'est extrêmement étrange que personne n'apparaisse. Et donc, on n'a pas envie non plus d'être l'arroseur arrosé. Je pense qu'on lui reproche d'avoir voulu jouer un mauvais tour. Ah oui, il y a une suspicion, jeu, ouais. Effectivement. Ouais. Moi, je connais un présentateur télé qui avait produit un roman anonyme pour pas. Et puis il en a vendu deux. Alors après, il a été obligé de donner son nom. Et là, il en a vendu cinq. Quatre. Mais il y a un autre exemple. Hein, c'est le biographe d'Hemingway, Peter Griffin. C'est un pseudo. Son vrai nom, c'est Patrick Poivre d'Arvor. C'est le moment de passer à Clara Dupont-Monod. Reparlons de livres. Oui, Charline, puisque l'actualité, c'est aussi le roman donc de notre invité Amanda Sterz, roman qui s'appelle Les Promesses, paru chez Grasset, justement. Alors, ce roman, il est traversé par une question, je crois, qui intéressera les messieurs autour de cette table. Et cette question, c'est, est-ce qu'il vaut pas mieux fantasmer le grand amour plutôt que de le vivre? Alors, il y en a qui n'ont pas le choix, comme Alex Vizorek. C'est un peu normal, il vaut mieux. Mais il y en a d'autres, comme Sandro, le héros de votre livre, Amanda Sterz, qui choisit de contourner la femme aimée pour en fait préserver les sentiments qu'il lui porte. Alors, il s'appelle Sandro d'un côté et Alexandre de l'autre. Voilà, en fait, comme il a une nature, une naissance italienne, c'est soit Sandro, soit Alexandre. Mais Sandro, ça, c'est surtout dans la bouche des femmes qu'il appelle Sandro. Le pire, c'est qu'en plus, tout serait possible, parce qu'il est marié, mais il est à deux doigts du divorce, et Laure, la femme qu'il aime, va se marier. C'est pas encore fait. Donc, tout est possible. Tout est possible, mais non. Sandro, il l'embrasse à peine, il ne lui demande rien, et ça va durer toute la vie. Tu préfères vivre ta vie ou la rêver ? Écrivait Stendhal dans son journal intime. Eh ben, réponse de Sandro, c'est la rêver, exactement comme la princesse de Clèves, qui n'a jamais conclu, finalement. Ou comme Frédéric Moreau dans l'éducation sentimentale de Gustave Flaubert, qui a passé sa vie à ne pas coucher avec Madame Arnoux. La seule fois où ils se retrouvent tous les deux dans une chambre, c'est rue Tronchet, tout un programme. C'était Flaubert qui faisait son petit clin d'œil. Mais elle ne vient pas parce que son enfant a de la fièvre. Alors, vous allez me dire que ça n'a aucun rapport, et vous aurez tort, mais il se trouve qu'un autre livre vient de sortir, consacré cette fois à Simone Signoret. Il s'appelle « Signoret ou la traversée des apparences » et il est signé de Chantal Pelletier. L'actrice, elle a disparu le 30 septembre 1985 d'un cancer du pancréas. Est-ce un hasard? Mais il se trouve que Laure, dans votre livre, meurt aussi d'un cancer du pancréas. Et on le sait, les premières lignes, Alex Vizorek, donc je ne révèle pas la fin. Oui, non, je sais. Pourquoi je parle de ce texte sur Signoret? Parce que quand on le lit, après avoir lu Les Promesses, eh bien, on lit le portrait exactement inversé de Sandro. C'est-à-dire que sans le vouloir, l'actualité littéraire, elle nous offre un contrepoint. C'est comme si les livres se répondaient. Signoret, bon. Elle tombe en amour devant Yves Montand un jour de août 1949. Elle rentre dans un restaurant et il est assis à une table. Elle chavire. Que fait-elle? Elle lui propose de faire la sieste avec elle. Chauffage frontal. Montand écrira dans ses mémoires, je cite, « Nous avons fait la sieste, ça a été fantastique et nous ne nous sommes plus quittés. » Sandro tombe en amour devant Laure, assise à une table lors d'un dîner d'amis. Que fait-il? Rien. Il laisse s'installer le sentiment à l'intérieur de lui, alors comme un cadeau, comme un beau secret, et le soir, il fait l'amour à sa femme en pensant à Laure. La première pense que le fantasme, c'est l'évitement. Et ben, le second, il pense que le fantasme, c'est l'éternité. Et ces deux figures, Signoret et Sandro, dessinent une tension, un dilemme face à l'amour, ô combien humain, c'est-à-dire, on se crame ou on se protège. C'est la brûlure ou la lisière? C'est trop dans la vie ou pas assez? Alors, en lisant Signoret sous la plume de Chantal Pelletier, on voit très bien ce à quoi a décidé d'échapper Sandro. Il veut échapper à quoi? Parce que à la souffrance. Elle souffre, Signoret. Elle est avec Montand, c'est quand même un sexe symbole mondial, et puis les années passent, Marilyn Monroe passe aussi, et elle sait, Signoret, ce que Sandro veut éviter. Elle le sait d'autant plus qu'elle l'a joué dans un film qui s'appelle Le Chat, avec Jean Gabin. Je veux que tu me dises. Mais j'ai plus rien à te dire, j'ai plus rien à dire à personne. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux changer de vie? Tu veux changer de femme? Qu'est-ce que j'en foutrais? Mais non, Dieu, tu te rends pas compte que c'est d'oxygène que j'ai besoin. Je voudrais pouvoir me lever, me coucher avec un cœur encore jeune. Voilà, c'est tout. Voilà, on vient d'entendre la haine, la rancœur. Viens, mon pépère, viens. Ah oui, là, il parle au chat. Alors, on vient d'entendre la haine, la rancœur, la vieillesse. En fait, on vient d'entendre tout ce que Sandro refuse, justement pour préserver son amour pour Laure. Il faut quand même le dire, Amanda Ster, c'est que Sandro, il n'est pas très heureux. C'est-à-dire qu'à force de refuser les émotions fortes, il se vide et il ne donne plus rien. Un soir, il n'y tient plus, il téléphone à Laure. Et c'est là où on se rend compte qu'il s'est tellement refusé à l'amour que finalement, c'est l'amour qui se refuse à lui. Il l'appelle, donc enfin, et elle est étrangement silencieuse. Et elle finit par dire « Mon mari est là ». Et derrière, en effet, Sandro entend une voix grave qui demande « Qui est au bout du fil ?». Et Laure répond « C'est une erreur ». Et Sandro se demande oh, « Mais duquel d'entre nous parle-t-elle ?». Voilà. Je vous redonne les références. Les promesses est paru chez Grasset. Signoré ou la traversée des apparences est aux éditions des Busclas. Et à tous nos auditeurs parisiens, je signale ce soir la projection du Chat au cinéma Le Champollion, suivie d'une rencontre avec Chantal Pelletier et Régis Debray, grand ami de Signoret. Et voilà, comment on rencontre Amanda Ster, c'est Simone Signoret. Ça m'a donné envie de lire le livre. Eh bien, je l'ai pris pour vous. Ah, voilà. C'est pour vous. C'est cadeau. C'est sur France Inter. Troisième sujet, le quota de chansons françaises à la radio. Il est dénoncé par les stations privées et indépendantes. Il serait devenu intenable à cause de l'offre de chansons françaises qui s'effondre, paraît-il. Cela dit, il reste une solution à l'épuiser dans les grands classiques de la chanson française, ceux qu'on aimerait entendre. C'est pour ça que je vous le dis, même si j'y risque ma vie. Vous, les politiciens, vous êtes vraiment très très méchants. Florent Brunel, Les Inconnus, bien sûr. Alors, il y a un très long article dans l'IB à propos des quotas de 40% de chansons françaises. C'est pour ça que dans cette émission, on passe deux disques. Généralement, il faut un français, un anglais. Des fois, on s'en fiche un petit peu. Moi, j'en passerai vraiment deux. Parce que c'est deux, un petit peu l'esprit de cette émission, non, pas trop les quotas. Mais voilà, il ne faut pas le répéter. Alors, sur les radios privées, il y a parfois 10 titres francophones qui tournent en boucle. Maître Gims en boucle, ça vous branche ou vous seriez plutôt pour les quotas afin qu'il y ait plus de diversité à Amanda Ster? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle un peu? Alors, comme je pense que mes enfants ne m'écoutent pas, je suis pour l'interdiction de Maître Gims 10 fois par jour à la radio. Mais eux, ils adorent. Et donc, mais en fait, comme tous les enfants, ils adorent ce qu'on leur propose à la radio. Et c'est vrai que je pense que le but est de faire des tubes aussi, de les passer non, en mais boucle. Oui. Le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de curiosité, je pense, pour une tentative de nouveaux talents et de nouveaux artistes français, quoi. Sauf sur cette chaîne, bien sûr. C'est pas mal. Mais c'est pas mal, Maître Gims. Oh non. Ah bon. Aïe. Il y a un débat. Autant en littérature, elle est à la pointe. Ouais. Mais et là, vous, est-ce que dans le privé, vous avez une espèce de quota, pas que vous vous imposez, mais naturel, c'est-à-dire vous écoutez plus de l'anglophone, du francophone, vous avez quoi un peu dans votre panthéon? C'est plus des périodes, mais c'est vrai que j'ai plus tendance à écouter des chansons anglophones, c'est donc vrai. Donc il y a un penchant naturel quand même. Ça sonne mieux. C'est-à-dire qu'après, quand on écoute la chanson française, je pense que c'est justement un moment où il faut être attentif, parce que ça devient presque des poèmes chantés, et les paroles prennent un vrai sens. Alors que l'anglais, ça peut se glisser complètement dans la musique, et on peut presque oublier de quoi la chanson parle. Vous pouvez par exemple lire avec des chansons en anglais en fond, mais vous pouvez pas lire en même temps que vous écoutez des chansons en français, par exemple? Moi, j'aime lire avec du silence, mais c'est vrai que je pense que... Alors peut-être aussi parce que c'est pas ma langue, j'arrive à effacer plus facilement l'anglais, mais ça, pour avoir écrit des textes, ça sonne quand même mieux en anglais. Chez les Anglais, le texte n'est pas très important au fond, c'est ça qui est fou. Bah, d'ailleurs, si on traduisait les grands tubes anglais en bah français, ouais, Wonder, c'est pour ça que t'imagines. De plus en plus de Français finalement chantent en anglais. Mais c'est surtout que il y a beaucoup de monosyllabes en anglais, donc c'est très facile de faire sonner sur une note, alors que les mots français sont beaucoup plus longs. Et avec le français, on parle avec trois muscles juste autour de la bouche, alors que les anglo-saxons parlent avec tout le visage qui résonne. Donc déjà, au niveau de la musicalité de la langue, on est mal barré. On est juste devant les Japonais. C'est pas que Mais et voilà pour cette histoire d'exotisme. On a des auteurs formidables. Je vous renvoie à Libération, hein, une double page sur ce sujet. On va faire résonner les mots avec vous aussi, Amanda Sterz, dans le moment du petit sketch. C'est l'heure du sketch. Alors, non, c'est pour vous, André Manoukian. La version d'Amanda est arrivée. Donc, j'ai imaginé que vous étiez invité à l'Élysée par François Hollande. Décidément. Et Guillaume Meurice et François Hollande, un petit dîner. Je vous dis pas qui est invité encore. Je suis content que vous soyez venu. Avec plaisir, monsieur le président. Vous savez, moi j'aime beaucoup les écrivaines. D'ailleurs, quand elles passent un peu de temps avec moi, elles vendent beaucoup de livres après. C'est gentil, mais ça se passe déjà bien pour moi. Alors, venez, j'ai organisé une table très sympathique ce soir. Et il y a des gens que je connais ? Oui, ce sont deux génies de ce siècle, deux intellectuels brillants, vous allez voir. Bon, parfois, ils sont pas très clairs quand ils s'expriment. Mais... À vous. Oui, alors voilà, Amanda, je vous présente Michel Houellebecq. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. On peut se faire la bise ? Non, c'est gentil, je viens de me laver. Et ici, vous avez André Manoukian. Bonjour, mademoiselle. Vous êtes charmante. Vous me faites penser à une viole de gomme qu'on aurait envie de serrer dans ses bras. Merci. Voilà, installez-vous. Je vous ai réunis car j'aimerais avoir l'avis d'intellectuel sur ma gestion de l'État. Disons, je pense, par rapport au concept de l'État. Oui, merci Michel. J'ai rien compris. Vous voyez André ce que ça fait, hein ? Et vous, Amanda, ma gestion alors ? Moi, disons que j'ai pas envie de parler de choses que je vois pas. Ça n'a pas changé votre vie, mon élection en 2012. Enfin, vous allez pas me croire. Si, allez-y. En fait, j'avais un cours de point de croix et je dois absolument y aller. Ah, mais non, Amanda, non, attendez, on va écouter André Manoukian. Justement. André, vous pensez quoi de ma gestion de l'État ? Vous êtes quelque part entre Gandhi, Cicéron et Pépin le Bref. Mais ça n'a rien à voir. Attendez, Gandhi, c'est le premier jazzman de l'histoire de l'Inde. Et Cicéron, c'est le premier rocker du monde. Il a allumé le feu à Rome. Mais non, c'est Néron. N'importe quoi, Manoukian. C'est du Manoukian. Les deux dirigeaient leur pays de façon pentatonique. Et c'est ça qui vous manque, président. Et Pépin le Bref. Ah, ça, c'est rapport à votre vie sentimentale. Messieurs, merci beaucoup, mais je vais y aller. Un bisou. Ah non, toujours pas. Bon, je vous raccompagne. Non, mais alors. Merci, ça va aller. Vraiment, bonne chance pour 2017. Avec ces deux-là dans votre équipe, ça peut pas rater. Merci. Elle est charmante, hein, moi ça m'a réveillé. André, un bisou. Ah non, pas à ce point-là. Merci Amanda Sterz dans son propre rôle. Je rappelle votre roman Les Promesses, c'est paru chez Grasset. Je rappelle aussi que vous êtes le co-auteur de la pièce qu'on peut voir en ce moment, Conseil de famille, actuellement au Théâtre de la Renaissance, avec Eva Darlan. Merci beaucoup d'être resté avec nous. Merci à vous. Les Promesses de François Hollande, on ne sait pas, chez Grasset. Vous allez être invité grâce à nous. Prochain vous nous remercierez, il viendrait nous en parler. Merci Clara Dupont-Mono, Guillaume Meurice, André Manoukian, Alex Vizorek. On se retrouve demain avec une star internationale, Eddy Izzard. Le mot de la fin à un acteur du monde culturel qui s'apprête à aller dîner avec le président de la République. Quand je pense que je vais encore devoir me cogner son nouveau projet à la tête, c'est formidable.